passion quand ton hip hop blaze. Contagious pledge de désespoir et de fausse rage de fragile hell. L'expert espère de faire le serment de hip hop terre. Présent que sud le nord, de l'est à l'ouest on apparaît dans ton décor. C'est un départ, man. Pour retrouver la force, c'était le fruit de ton effort. L'équilibre est acquis, ils peuvent pas se qu'on s'allie. Leur territoire, leur valise, c'est le temps qu'ils réalisent. Brother, fait du hip hop pour la famille et pour le peuple. Yeah. Pour les gens qui pissent et qui se battent comme des chiens. Yeah. Tu sais bien, l'état autorise pas. Le rap concrétise pas. On vise pas la classe, on la prise pas. Nah. On attend peut-être, mais les gens sont d'accord avec le principe du respect. J'en suis fier et protecteur. Le move brother envahit tous les lecteurs. Car ton rap sur le micro, c'est un plus pour les lecteurs. Pour les lecteurs, les lecteurs. J'ai un plan dans la tête, crois-moi j'ai rien d'un amateur. J'aime pas les choses à moitié, puis je reste confiant, yo même acteur. C'est les bros dans tes speakers, les bros sur les stickers. La new dope dans ton secteur, le rhum dans la liqueur. J'ai le hip-hop dans la tête, même sans iPod. BRO dans ton coin, c'est la nouvelle mode. On fait nos trucs, puis tant pis ce que les autres disent. J'ai pas le temps de m'en occuper, j'garde mon plan en tête, puis j'fiche. Yo, c'est les bros dans tes speakers, les bros sur les stickers. La new dope dans ton secteur. Comme un soldat dans l'ensemble, de réussir au seul doigt. C'est du BRODER à la DRL. Notre slang shine, mais pas à l'américaine. Yo, en français, mais pas à la parisienne. Que du rap cab qu'on a mis en quarantaine. BRODER, on a le flow qui est en tête. C'est du BRODER, on a le flow qui est en tête. BRODER, on a le flow qui est en tête. C'est du BRODER.